Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une des plus belles pièces de théâtre de Broadway portée à l'écran. 1964, une école catholique dans le Bronx. Le père Flynn, un prêtre de la paroisse, entraîneur de basket, est soupçonné d'avoir fait des attouchements sur un garçon noir de 12 ans. Sœur Aloysius, directrice de l'école, a des doutes sérieux sur la moralité du prêtre, mais n'arrive pas à établir les preuves nécessaires à son renvoi. Je vous demande à toutes d'être vigilantes. Je suis inquiète de ce qui se passe à Saint-Nicolas. Sur le plan scolaire ? Je ne vous invitais pas à jouer aux devinettes sans Raymond. Jeune homme ! Venez ici. Le dragon a faim. Et un, et deux, et trois. Les temps ont changé, ma sœur, l'église aussi doit changer. Le père Flynn a convoqué Donald Miller au presbytère. Que s'est-il passé au presbytère ? Il ne s'est rien passé, j'ai conversé avec l'enfant. À quel propos ? Une affaire privée. Cet enfant a 12 ans, qu'est-ce qui peut être privé ? Vous n'avez pas la moindre preuve de quoi que ce soit ! Je ferai ce qui sera nécessaire ! Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vraiment vous ne me connaissez pas. Doute, un très beau film de John Patrick Shanley avec Meryl Streep, un DVD Miramax.